guerre à Satan, qu'un noble saint courage arme ton bras, sois vaillant au combat, oh prends courage, oh prends courage, hey, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel, oh prends courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre à l'orgueil qui ruine à notre terre, nous éloignant de notre Créateur. Et si le parent, le frère de son frère, crucifiant enfin le Rédempteur. Oh, prends courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre à l'envie, au mensonge, à la haine, par ton esprit, Dieu d'amour et de paix. Toi seul tu peux briser leur forte chaîne et libérer le captif à jamais. Oh, prends courage, oh, prends courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Guerre au fléau, guerre à l'ivrognerie, à l'avarice, à toute impureté. Soldat de Dieu, qu'une sainte furie brûlant ton cœur contre l'iniquité. Oh, prends courage, oh, prends courage, oui, oui, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, oui, oui, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, oh, prends courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, oh, prends courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, oh, prends courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Oh, prends courage, ami de l'Éternel, Dieu t'a formé en marche vers le ciel. Il est toujours bon de servir le maître, le souverain roi, ce Dieu qui est descendu des cieux, habité dans une tente humaine, appelée Jésus, qui est mort pour nous, pour nos péchés, pour mon péché, pour ton péché, qui va écouter ce cantique maintenant. Qu'il fait bon à ton service. Qui fait bon à ton service? Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui est le sacrifice que t'offre mon. Oui, prends, ô oh Jésus, prends, ô oh Jésus, prends ma vie, prends ma vie. Suprême, c'est la sainteté, c'est la sainteté. Viens, je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh, Jean, oh, prends ma vie, prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as. Comme l'ange, au rapide. Jésus, prends ma vie. Prends ma vie. Elle est tout à toi. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'agardes moi. Ensemble. Ensemble, donc, la que tu sois pécheur ou non repentant. Amen. La Bible nous déclare dans le livre de 1 Jean au chapitre 1, le verset 9, que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, il est un menteur. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier. Alors bien-aimé, alors que tu écoutes ceci, toi qui écoutes ce chant, si tu n'as pas encore écouté la voix du Seigneur, sache que la voix du Seigneur t'appelle maintenant. 4, 3, 2, 1 et 0. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, je réponds, sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Avec lui, joie et victoire, toi pour, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours, jusqu'au bout je vais te suivre, dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin, fuyait comme funèbre devant ce soleil si beau. Oh, quel beau soleil dans mon âme! Il éclaire, illumine tout. Et je vais chantant partout. Oh, mon âme éclate en louange, pour toi le soleil a lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. Et je vais chantant partout. Oh, quel beau soleil dans mon âme. Il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme. Et je vais chantant partout. Alors que ce troisième jour, notre Seigneur est effectivement sorti du tombeau comme il l'avait prévu, le troisième jour de la résurrection, le troisième jour après sa mise au tombeau, sa résurrection nous montre que nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est l'espérance qui nous accorde la bonne nouvelle. C'est ce que nous annonce la bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile de la grâce, l'évangile de l'espérance. Parce que Jésus est ressuscité, nous pouvons dire merci au Père. Merci parce que comme il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis dans le lieu céleste. Pouvons-nous dire oui à cette espérance? Pouvons-nous dire oui à cet céleste appel? Oui, l'espérance de l'évangile est certaine. Trois, chant. Oui, l'espérance de l'évangile est certaine, ce qu'il promet se produit vraiment. Celui qui fit les promesses, c'est oui. Et amen, et Dieu intervient par un serment. C'est pourquoi dans la foi est une immense joie. Persévérons dans le combat. Car nous savons que notre travail n'est pas vain. La semence porte des fruits saints. Oui, merci. Soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant en retenir son corps. Notre patrie n'est pas sur terre, mais au ciel, dans la ferme et céleste cité. Considérons donc bien notre roi éternel, par pensée Pilate interrogé. Mon royaume n'est pas de ce monde, a-t-il dit, dans la belle confession qu'il fit. témoignant clairement par la vie en parole, je suis un étranger sur ce sol. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts et ne pouvant retenir son corps, la nature divine, son épouse l'obtint, oui, l'abondance de ses vertus. Pour que sans ride ni tache, mais pur et saint, nous soyons présentés à Jésus. C'est heureux de la commencer dans notre vie, par lui elle sera accomplie. N'en ne valent que la foi et la patience, et la vivante et ferme espérance. Oui, merci soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, nous te louons Dieu pour ce céleste appel et pour l'héritage impérissable. Ton Fils unique inaugura la voie nouvelle, sois béni pour ce don ineffable. Garde-nous, notre Dieu, dans un esprit bouillant, que sans cesse nous soyons fervents. Pour garder l'espérance que tu as donnée, d'être avec toi pour l'éternité, oui merci. Oui, merci. Oui, soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Oui, merci. Oui, merci. Soit à Dieu pour sa miséricorde et l'espérance qu'il nous accorde. Puisque Jésus, son Fils, ressuscita des morts, rien ne pouvant retenir son corps. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Seigneur, d'en reprendre rien. le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout ma soit détruit en moi. Viens à sa parole, crois en son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, il se nomme, il aime, il aime, il pardonne. Viens, tu chantes, viens, tu chanteras. Alléluia. Viens à sa parole, crois à son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, il se nomme, il aime, il aime, il pardonne. Viens, tu chantes, viens, tu chanteras. Alléluia. Le Seigneur est pour nous, contre nous qui sera, ne crains pas le mal qui te surprendra. Le Seigneur est pour nous, il nous délivrera. Infini est la force de son bras. Viens à sa parole, crois à son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, il se nomme, il aime, il aime, il pardonne. Viens, tu chantes, viens, tu chanteras. Alléluia. Seigneur est pour nous, contre nous qui sera. Loin de lui, la vie n'est qu'un triste sort. Le Seigneur est pour nous, près de lui vient t'asseoir. N'attends plus qu'on ne lui tant que ce soit. Viens à sa parole, crois à son nom qui console du mal, il te gardera. Alléluia, alléluia. Jésus, il se nomme, il aime, il pardonne. Viens, tu chanteras. Alléluia. Le Seigneur est pour nous la lumière et la vie. Il est le bon berger qui nous conduit. Le Seigneur est pour nous le vrai pain de l'esprit. Sur le chemin de bois marche avec lui. Viens à sa parole, crois en son nom qui console. Il te gardera. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, il s'énomme. Il est mi pardonné. Viens, tu chantes. Viens, tu chanteras. Alléluia. Viens à sa parole, crois en son nom qui console. Il te gardera. Alléluia. Alléluia. Il est mis pardonné. Viens, tu chantes. Viens, tu chanteras. Alléluia. Viens à sa parole. Son nom qui console. Du mal. Il te gardera. Alléluia. Alléluia. Jésus, Jésus, il est nommé. Il est mis pardonné. Viens, tu chantes. Viens, tu chanteras.